Bienvenue à l'aérospatiale Jules Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour discuter art visuel. Aujourd'hui à l'émission, on rencontre Camille Bernard Gravel qui présente l'exposition Éole à la petite galerie de l'œil de poisson. Également, Annie-Charlotte Thibodeau est allée faire un tour à la galerie La Sorte pour voir les œuvres récentes de François Vincent. Elle nous en parlera. On discute aussi avec Patrick Dubé, qui est artiste, qui travaille également au lieu, qui est commissaire pour l'exposition des finissants en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Exposition qui s'appelle hashtag ARV 2015, qui a été marquée notamment par les grèves étudiantes. En fait, la cohorte a été marquée et non pas l'exposition. Donc, vendredi, le vernissage a lieu à 17h. L'exposition se continue jusqu'au 30 mai. Le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy, qui n'est pas disponible en studio aujourd'hui avec nous, mais qui nous a quand même fait une proposition. On va écouter l'album Whisper About de Costa T. Et tout de suite, on écoute un extrait de la pièce Whisper About. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Merci pour le remplacement de la semaine dernière. Ça fait plaisir. Très apte à animer. Et cette semaine, revue de presse, évidemment. Bien sûr, comme à l'habitude. Avec une revue de presse qui nous amène notamment du côté de Venise. Ça me semblait être ni plus ni moins incontournable, si on peut dire, de mentionner tout ça cette semaine. Alors, la Biennale d'art contemporain de Venise qui a ouvert ses portes au public au début du mois de mai et qui a remis ses prix également par la suite. Alors, Lion d'or de la meilleure participation nationale qui a été remis à la République d'Arménie pour Armeniti Ayitun. Alors, c'est en fait sur l'île de San Lazaro d'Egli, Arménie. Il y a une dizaine d'artistes arméniens issus de la diaspora qui sont penchés sur la résilience, la force et la capacité de trouver un souffle vital, un nouveau souffle vital en cette année de commémoration du génocide arménien de 1915. Sinon, les autres prix qui ont été remis, il y a le Lion d'or du meilleur artiste qui a été remis à l'Américain Adrian Piper pour The Probable Truth, Trust Registry, The Rules of the Game 1-2-3. Le lion argent du meilleur jeune artiste a été remis de ce côté au Sud-Coréen Im Hung Sun avec Factory Complex. Et le jury également décidé de décerner des mentions spéciales à l'Allemand Haroun Farouki, au collectif syrien Abou Nadra ainsi qu'à l'Algérien Massinissa Selmani. Enfin, la Biennale de Venise a également honoré d'une mention spéciale l'Américaine Joan Jonas, presque 80 ans, une artiste, dit-on, dont l'œuvre est l'influence dans l'art ont été majeures, avec évidemment son installation vidéo des Come to Us Without a Word, visible au centre du pavillon américain. Enfin, le Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière a été attribué cette année au Ghanéen El Anatsui, l'un des plus grands artistes africains vivants, nous dit-on dans les communications officielles, dont les œuvres inspirées des traditions culturelles africaines qu'il conjugue avec les esthétiques contemporaines ont été exposées dans les plus grands musées du monde. Évidemment, il y avait présence québécoise aussi à la Biennale. On en a parlé quand même de manière assez proactive dans différents médias québécois. Vous avez peut-être pas vu passer aussi certains éléments sur les médias sociaux. Alors, les visiteurs de la Biennale de Venise qui ont eu l'occasion de visiter une exposition qui s'appelle, une installation qui s'appelle Canadissimo. Donc, essentiellement un dépanneur typiquement québécois qui a été recréé toute pièce par BGL pour la Biennale. Plafond suspendu, néon, caisse de lait, miroir en coin, affiche défraîchie. Tout y était. Semble-t-il que même des visiteurs qui se sont fait prendre au jeu tentant d'acheter des bouteilles d'eau et des sacs de chips. Alors, Canadissimo qui a fait jaser, évidemment, dans la ville italienne. Beaucoup d'intérêt média, des entrevues de manière assez régulière également. Et ben voilà, donc ils ont voulu partager le plaisir de créer, voulu passer des messages notamment sur la consommation, le multiculturalisme. Alors voilà, évidemment, en fait, ces articles-là, comme les autres dont on fait mention au fil des revue de presse, eh bien, se retrouve mentionné sur le Facebook de l'aérospatiale. Autre petite mention, elles viennent d'apparaître dans le paysage de la métropole québécoise, donc d'imposantes montagnes sur la façade du nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Alors, il s'agit d'un des plus importants investissements depuis que le gouvernement réserve une partie du budget de construction de bâtiments publics à l'art il y a plus de 50 ans, donc le 1 million, le plus gros de l'histoire, qui fait pas moins de 8 étages, donc une œuvre qui a été créé par le duo Doyon-Rivet. Alors, tout est hors norme dans ce projet-là, nous dit-on en entrevue via radio au Canada. On atteint la limite de grosseur de ce que le logiciel qu'on utilise depuis 20 ans est capable de faire. Donc, choix des montagnes qui s'est imposé un symbole fort, selon eux, pour un endroit où l'on côtoie la vie et la mort. On dit, je cite, « Ce sont les montagnes que les équipes médicales soulèvent pour te sauver. C'est la maladie qui peut parfois nous sembler comme une montagne à surmonter et c'est aussi un but à atteindre. » Et enfin, pour que les images soit facile à décoder, les artistes ont utilisé des montagnes enneigées et pointues, un peu comme un dessin d'enfant. Voilà, on pourra la voir évidemment sur le CHUM à Montréal. Ça a été rendu public il y a de ça quelques jours. Troisième notule, on parle, en fait, c'est un petit suivi dans ce cas-ci. On parlait dans notre pile de dossiers? Oui, dans notre pile de dossiers. Enfin, on parlait du prix Banque Scotia. En fait, qui l'a remporté? Il s'agit d'Angela Groerholz, donc gagnante. On a écrit du côté du jury, je cite, « Les photographies d'Angela Groerholz contribuent de manière significative à l'histoire contemporaine du 8e art sur l'exploration de la matérialité des contextes liés aux images. On fait en sorte de renouveler notre compréhension esthétique et culturelle des photographies. » Alors, en fait, elle était finaliste aux côtés de Raphaël Goldchain et d'Isabelle Ayer. Donc, mes félicitations, évidemment. Mais oui. Plus triste nouvelle de ce côté, le sculpteur et performeur américain Chris Burden, qui est décédé depuis les années 1970. L'artiste avait su rediriger ses performances dans lesquelles sa vie était mise en danger pour les transformer en des sculptures illustrant ses prouesses techniques à l'échelle imposante. L'artiste est mort dimanche dernier. Alors, pionnier dans son art, il est né en 46. Il a gagné en notoriété dans le monde de l'art au fil des années. Il a réalisé plus de 50 performances dans les années 70. Donc, une, en fait, qui était particulièrement marquante, s'appelle Chaud. Il avait demandé à son assistant de le tirer dans le bois avec une carabine. Je pense une carabine à plomb. Quand même. Et enfin, peut-être en terminant, un record qui a été battu du côté de Christie's à Londres ce lundi 11 mai. L'œuvre la plus chère, encore une nouvelle œuvre la plus chère. Alors, c'est une œuvre peinte par Pablo Picasso, Les Falmes d'Alger, version eau, peinte en 1955 et qui a été adjugée à 179,4 millions de dollars. Et il y a aussi un Giacometti qui a battu des records, une statue qui s'appelle L'Homme aux doigts qui a été vendue 141,28 millions de dollars. Donc, le tableau et la statue les plus chères jamais vendues aux enchères. Alors, évidemment, on parle quand même de chef-d'œuvre. J'ai lu certaines analyses. On dit, en fait, que Les Femmes d'Alger, évidemment, c'est pas nécessairement l'œuvre majeure de Picasso, mais que, donc, la version O, c'est, disons, la meilleure des Femmes d'Alger, de manière générale. Ah ben voilà, donc, un nouveau record ajouté à ces records qui se battent de temps à autre dans le marché de l'art. Voilà, ben Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Et que se passe-t-il à La Vie en BD? On reçoit Jean-Luc Cornette, un auteur de Bruxelles qui a passé 2 mois en résidence à Québec. Voilà, donc c'est l'occasion. Vendredi, 17h30 sur les ondes de CKRL. On fait une pause audio. audio, pardon, on écoute un extrait de la pièce Ready To et ensuite on discute avec Patrick Dubé, commissaire de l'Expo Les Finissants en arts visuels et médiatiques. Et voilà, on est de retour à l'aérospatiale. J'accueille Patrick Dubé. Bonjour. Allô, Julie. Patrick, on te connaît comme artiste. On te connaît aussi comme employé de Inter le lieu, cette grande entité à Québec. Puis là, cette fois-ci, on va te connaître comme commissaire de hashtag ARV 2015. Exactement, qui est l'exposition des finissants en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Wow, t'as bien appris ta phrase, c'est bon? Ouais. Hein? Ben, peut-être pour commencer, t'es commissaire de cette expo-là. En quoi ça consiste être commissaire comme ça d'une expo de finissants? Dans le cadre d'une expo de finissant, c'est plus qu'être commissaire. Je crois qu'il y a un rapport aussi d'accompagnateur. Donc, de suivre les étudiants, de voir qu'est-ce qu'ils sont intéressés à présenter, etc. Comment qu'on évolue dans tout ça, comment qu'on le présente, etc., etc. Donc, il y a comme beaucoup de fonctions, disons. C'est plus que commissaire, autrement dit. Puis là, t'es là depuis quand avec eux? Avec eux, depuis début janvier. Okay. Donc, ça fait déjà un bon 4 mois, 5 mois qu'on travaille ardemment à monter une exposition qui va être hallucinante. Puis, ça doit être un défi aussi, parce que là, je pense qu'il y a 32 finissants, j'ai pris la peine de compter. Oui. Ça doit être un défi aussi avec la cohérence, l'installation, les œuvres, parce que 32 personnes, c'est 32 univers. Exactement, mais notre avantage cette année, c'est qu'on se ramasse dans 3 lieux. Mais dans le même environnement, ouais, mais dans 3 lieux différents. Donc, on peut créer une dynamique autre dans chaque zone. Donc, ça a un avantage à ce niveau-là. Puis, j'imagine aussi que ton rôle de commissaire devient d'autant plus important de créer ces endroits-là, finalement, de t'assurer de la cohérence. Là. Et voilà. Puis, c'est plus au-delà de la cohérence, c'est de mettre en valeur, là, ouais, de la mettre à son meilleur. Donc, oui, c'est un travail exhaustif. Puis là, tu me dis 3 endroits. J'ai été... ça a piqué ma curiosité. 707 Saint-Vallier, c'est absolument pas la fabrique. Ça fait quelque temps, là, je sais qu'on sort de la fabrique pour les expos de finissant. Puis là, ben, je suis allée voir dans Google Maps pour voir c'était où. Je me suis rendu compte que c'est comme le Carré-Lépine, ou à tout le moins là, dans le coin du Carré-Lépine. Ça s'appelle le Réacteur, centrale créative. C'est quoi ça? C'est Olivier Dufour. Je pense que tu en as déjà parlé probablement à ton émission. Oui, qui a le secteur. Donc, c'est l'anciennement Lépine-Cloutier. Ouais. L'ancien salon funéraire, bien sûr. Je sais qu'il y a comme 2 entités, ou peut-être que je me trompe, donc c'est Olivier Dufour, spectacle et images. Okay. Et ça s'appelle, en soi, ça s'appelle le Réacteur, centrale créative. Où est-ce que ça va se produire? Donc le 707. inquiétez-vous pas, ça va être très facile, ça va être bien indiqué. Ouais, ouais, puis c'est clair, là, on arrive sur la rue Saint-Vallier, puis il y a une adresse. Et voilà, puis, c'est à côté du cinéma Charest, qui n'existe plus ben dorénavant. Oui. Donc là, tout le monde sait où est-ce qu'on est exactement. Vous allez bien nous trouver. Puis pourquoi cet endroit-là? Comment c'est venu? On a eu quand même beaucoup de difficultés à trouver des locaux vacants pour l'exposition. Et étant donné qu'il y a des rénovations qui se produisent à la fabrique, donc il fallait sortir. Donc il y avait comme une contrainte. Il y avait l'obligation. Exactement. OK, on n'a pas la zone de confort. Là. Et voilà. Donc, je pense que initialement les étudiants s'étaient entendus à sortir des murs. Donc, moi, ça m'allait aussi. Donc, après recherche, nous avons trouvé cet environnement-là. Donc, on a un hangar, on a le premier étage de la bâtisse principale qui est en façade et la mezzanine dans le haut. Ah ouais, c'est pas pire, le hangar, ça doit être intéressant. Moi, j'aime bien ça, les lieux non traditionnels. Là. T'as l'air content, ça pétille dans tes yeux. On a monté des murs de 12 pieds, c'est hallucinant. Même les gens passent puis ils regardent, ils sont intrigués, donc... Il va y avoir des belles surprises à découvrir dans ces lieux. Puis là, je t'ai posé la question de comment ça en est venu à cet endroit-là, mais comment ça s'est passé, le rapport avec toi, les étudiants? Est-ce que c'est des étudiants que tu connaissais, qui sont venus te voir? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a référé? Comment ça s'est produit? C'est sûr que c'est... comment ça s'est produit? Il y a eu des entrevues. Ouais. Donc, les gens se présentaient pour une entrevue. Okay. Et on était plusieurs artistes qui ont été... élu. Ah ouais. Pas élu, mais on a passé en entrevue. Bref, c'est un processus. C'est un processus d'embauche, carrément. Puis voilà, ça s'est un peu déterminé de même. Donc la chance a viré de mon bord parce que initialement ce n'était pas moi, mais ça a été une personne. Puis en tout cas, la vie a fait que ça en a été autrement. Donc j'en suis très heureux parce que j'ai embarqué à fond quand on me l'a demandé. Et voilà. Donc voilà. C'était quoi la question, Julie? C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que t'as été commissaire? Mais oui, pour répondre à ta question aussi, oui, je suis quand même connu. Je fais les communications, comme tu disais, Interlelieu, donc on en connaît, et on me connaît, donc on avance de même. Voilà. dis-moi, parlant de communication, je trouve que c'est bien fait cette année. Des fois, les autres années, l'exposition était toujours un peu trop tard pour la fin de saison de l'aérospatial. Je ne l'ai pas beaucoup couvert. Mais là, cette année, là, tu me disais, il y a une page Facebook pour l'événement, mais il y a aussi un site Internet qui est assez utile pour se documenter avec la démarche de chacun des artistes, des photos, vraiment un site complet là, pour l'expo. Exactement. Pour le nommer arv2015.com. Oui, donc, c'est facile à trouver. Et sur Facebook, c'est la même chose. Donc, le arv2015. Et vous allez trouver, il y a l'événement Facebook, bref, le mot du commissaire, il y a aussi, on met des photos aussi du avant-après dans le hangar, tu sais, on alimente l'événement pour que les gens soient vraiment excités et emballés de venir découvrir ça. Puis le site Internet, c'est une initiative des finissants? Exactement, la majorité des projets, même au niveau communicationnel, etc., est faite par les étudiants. Okay. Faut reconnaître qu'ils travaillent fort. Il est bien monté, on clique, là, il y a tout le nom des finissants et tout là. Et voilà. Donc c'est une belle job qu'ils ont fait cette année. Puis dis-moi, est-ce que comme personne extérieure à leur cohorte, est-ce que tu observes comme certaines tendances à l'intérieur du travail des finissants, tu sais, parce que là ils font beaucoup, il y a beaucoup de disciplines, il y a de la peinture, il y a du dessin, il y a de la vidéo. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir de la performance aussi. Il y a différentes avenues également, différents types de préoccupations. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui t'a frappé, qui t'a dit ah ouais là c'est comme c'est ça qui se passe en ce moment. Je t'avoue, au niveau des œuvres, je pourrais dire que c'est très singulier comme approche. Chaque étudiant a quand même une approche, un intérêt esthétique, formel, personnel. Tandis que, qu'est-ce qui pourrait rassembler dans le communiqué de presse? Je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a Steven Girard qui a écrit une phrase qui dit carrément que le parcours académique de cette cohorte aura pour beaucoup résidé d'une grève à l'autre. Des pinceaux aux pancartes, des critiques d'art aux critiques sociales, des pensées aux actions. Donc, si tu as vu le visuel, c'est un hashtag, un dièse, un carré. Donc, c'est une génération des carrés rouges. Donc, c'est pour ça qu'ils sont autant cette année à finir, tandis que l'année passée, c'était beaucoup. Je crois qu'ils étaient 12 l'année passée. Donc, c'est... Ah ouais, donc c'est les résultats de la grève. C'est ceux qui ont manqué leur session. Et voilà, donc, après 3 années de recherche-création, ils nous présentent leur travail. Mais s'il y a une chose qui pourrait les rassembler, ça serait peut-être... comment je pourrais dire ça? Ces grèves-là, ces inquiétudes-là, ces intérêts-là face à la revendication des droits, etc. Donc, je pense que ça serait ça. Mais est-ce que ça se reflète dans leurs œuvres? Un peu moins, je te dirais. Toujours flagrant. Là, ça peut transformer une personne sans transformer nécessairement la production. Exactement. Donc... Voilà, ça, c'est ce que je pourrais dire qui rassemble un peu, c'est finissant. On parle du hashtag, on parle du site Internet aussi. Est-ce que tu as observé qu'ils ont cette volonté-là, justement, les finissants, peut-être plus qu'avant, de se diffuser, de prendre en main, dès le départ, leur Je te dirais ouais. que oui et non. Ça varie d'une personne à l'autre, ouais. mais je crois qu'aujourd'hui, je crois... C'est obligatoire, je pense. Les communications font qu'on se diffuse sur le web, on fait quelque chose, on le diffuse, on le montre. Donc, ben moi, c'est plus à cette approche-là. Donc, un peu comme quand je le mentionne dans mon propos, le hashtag rassemble des messages qui sont propres à un terme précis. Ben moi, je rassemble des œuvres dans un environnement qui devient genre une collectivité à une singularité. Bref, c'est de jouer avec tout ça, là. Donc... Parlant de singularité, j'ai envie de te demander, là, il y en a 32, là, c'est sûr qu'on parlera pas des 32, on n'a pas le temps. On ira voir l'exposition, sérieux? Le vernissage est vendredi. Ouais, on en aura pas un inventaire. on va nommer les œuvres. Mais est-ce qu'il y a des œuvres pour toi là, qui sont vraiment fortes ou des coups de cœur que tu dis, OK, ça, là, vraiment, wow, venant d'un finissant, là, parce qu'on s'entend quand même, finir un bac en art visuel, c'est bien. Mais c'est un point de départ aussi souvent dans une démarche. Est-ce qu'il y a des artistes que tu trouves qui ont une démarche peut-être plus achevée? Ben, je te dirais qu'il y a certains étudiants qui, c'est sûr, qui sont plus avancés dans le niveau de l'implication, de la recherche. Mais je veux pas non plus commencer à dire qu'une personne est meilleure que l'autre. Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas du tout. C'est sûr que oui, il y a certaines œuvres qui sont beaucoup plus marquantes, plus intenses. Mais je crois qu'actuellement, les étudiants ont vraiment une volonté de continuer, puis je le sens ça. Ah ouais? Donc il y en a plusieurs dans le lot qui pourraient être quand même surprenants. Donc je vous dirais que c'est très inspirant. Je sais pas comment expliquer ça, mais ben, la jeunesse en fait aussi, j'imagine, aussi, hein, parce que on le dira plus. Pas mais on l'a plus. On vieillit quand même. Mais il y a vraiment l'intérêt, je sens qu'il y a une suite suite à l'exposition. Je crois pas que ça va mourir, ça va disparaître ou voilà, ma recherche est terminée et je passe à autre chose. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont continuer et il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui ont des recherches qui sont très actuelles et très inspirantes, sérieusement. Quand j'ai regardé la liste des personnes puis les sites, là, il y avait quelques noms comme ça qui me disaient quelque chose. J'allais voir Banc d'essai, par exemple, parce que bon, il y a tout le temps l'exposition Banc d'essai. Je pense que Karine Locatelli, notamment, là, qui avait participé à Banc d'essai, si je me trompe pas, c'est en 2013. Il y a Julie Gagnon puis Steven Girard aussi qui avait été invité par Paris Martin à faire l'entrée vidéo. Je pense que c'est pas à l'automne 2015, mais non pas 2014, mais 2013 aussi, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y en a déjà que tu connaissais, toi? Ben quand même plusieurs. Ben Marc-André Jésus aussi, c'est vrai qu'il avait fait. Je connais quand même, comme je te disais, beaucoup de gens, mais il demeure que, exemple, Steven fait une installation. Donc, pratiquement à tous les jours, il va faire une performance de 2 à 4 heures. Ah ouais, OK. Oui, donc... De 2 heures de l'après-midi à 4 heures? Non. Ou qui dure 2 à 4 heures? Oui, durée de 2 heures à 4 heures. Ah, en ouais. tout cas, il va avoir 10 performances. Donc, comment il va l'établir? Ben, c'est du 15 au 30 mai. Donc, ouais. Le 15 au soir, il va faire une performance. Mais il aborde plus d'une façon d'installation. Donc, okay. Dans un lieu qui a établi, qui a créé, il va faire des performances qui vont devenir des objets, qui vont devenir plein d'entités différentes. Et de cela, va découler genre une série de performances. Écoute, il y a Marc-André Jésus avec sa photographie qui il est va quand être même encore dans les portraits, là, assez dans intense, les portraits, recherche, quête identitaire, pas lui, mais dans ouais. l'idée de. Et c'est pas choquant, ça punch, c'est ouais, intense, ouais. J'en parle comme ça. Il y a Karine Locatelli aussi qui travaille le dessin, entre autres le dessin de paysage. J'ai vu là, dans les photographies, il y a quelques dessins qui sont placés par terre. Est-ce que ça va être le cas dans l'exposition? Parce que ça, j'aime bien ça. Moi, ben, tu sais quoi? On a la chance que Mademoiselle Locatelli nous a fait un immense dessin. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, au-delà du floral qu'elle dessine, ouais. Sa recherche est aussi sur les mauvaises herbes. Donc, répertorié par Santé Canada ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un sujet non noble qu'elle nous présente, mais qu'on va encenser, c'est sûr. Donc, probablement que oui, elle va être au sol, mais pas directement, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que ça donne une dimension installative. Si elle le fait, c'est une dimension installative au dessin, puis ça sort un peu là, de la convention, de l'afficher. Et voilà. Et sais-tu quoi? Je pense que c'est là-dedans qu'on rentre avec l'exposition des finissants. On essaye de de revoir la présentation, l'installation, comment qu'on je présente l'exposition, les œuvres. Comment ça, c'est vraiment majeur, puis c'est des réflexions qui sont tout à fait actuelles aussi. Et là, voilà, de sortir du cadre. Exact. Comment qu'on éclaire, comment qu'on présente une œuvre dessin, est-ce que c'est obligé d'être au mur tout le temps? Là, on a des murs de 12 pieds. Il y a comme d'autres réalités. Il y a une dimension de 12 pieds. Là. Est-ce qu'on la met juste à hauteur humaine ou on profite du mur? Et voilà, donc, ça va être un défi. Mais c'est un gros défi, mais ça va être un défi qui est parce que ce soir on commence. Ah, c'est ça que j'allais dire. Ça fait qu'il n'y a rien à installer encore. Là, les œuvres sont rentrées. Là, on va s'amuser ce soir. Ah ouais, puis là, vous êtes dans le jeu jusqu'à vendredi pour faire ça. Exactement. Jusqu'à midi, là, on a un petit rush. Voilà. Ben Patrick Dubé, merci beaucoup. Ben écoute, je vais nous reploguer. Donc du 15 mai au 30 mai. Ah merci, tu fais ma job. Écoute, je la fais. Du 15 mai au 30 mai, je vous invite personnellement ainsi que tous les finissants à venir. Donc le 15 mai, à 17h, c'est le vernissage. Tout le monde est le bienvenu. Vous venez, on est heureux c'est de vous gratuit. Avoir. C'est gratuit et ça se trouve à être au bout de la rue ici, au 707 rue Saint-Vallier. Et par la suite, c'est jusqu'au 30. Par contre, les lundis, mardis, c'est fermé. Mais le reste du temps, c'est ouvert. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je répète, l'exposition, c'est hashtag ARV 2015. C'est l'exposition définissant en arts visuels et médiatiques de l'Université Laval. Donc, merci encore, Patrick. On fait une pause au retour. On discute avec Annie Charlotte Thibodeau. Vie communautaire, accès aux services et aux loisirs, droit au déplacement. Dans un climat aussi rigoureux que le nôtre, la possibilité de se déplacer à faible coût a un impact direct sur la qualité de vie des gens. Pour de plus en plus de personnes, il est difficile d'avoir accès aux transports en commun. Le droit à la mobilité est déjà reconnu dans plusieurs pays. Pour analyser cette question sous l'angle de la solidarité sociale, de l'environnement et de l'urbanisme, venez assister à une table ronde sur l'accessibilité aux transports en commun avec Émilie Frémont-Cloutier, André Bellil et Marc Boutin, qui aura lieu à l'ENAP, 555 boulevard Charest-Est à Québec, le 14 mai à 19h. Entrée gratuite. Le 31e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 14 au 17 mai 2015. Programme, Jean de Rome, Sons and Jerusalem in My Heart, The Roof, Layback, Marc Ribot, Sarah McDoug, The Nels Klein Singers Unlimited, Magma et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public et une exposition d'art visuel. Pour plus d'informations ou pour acheter des billets, visitez fimav.qc.ca. Du 14 au 17 mai 2015, venez vivre l'expérience du 31e FIMAV. Enfin, le Salon de la Passion médiévale ouvre ses portes à Québec. Si le Moyen-Âge vous fascine et que vous rêvez de vivre une aventure épique, ne manquez pas l'unique Salon de la Passion médiévale les 30 et 31 mai au Cégep Limoilou. Avec plus de 80 exposants, de la musique, des spectacles en continu, ainsi que des combats de chevaliers à couper le souffle, toute la famille y vivra un véritable voyage dans le temps. Informez-vous au salonmedievalquebec.com, le Salon de la Passion médiévale de Québec. Venez vivre l'expérience. Les jeudis 9h, écoutez le 8e continent. Énergie verte, agriculture urbaine et activisme environnemental sont à l'honneur avec en vedette des organismes impliqués dans l'environnement. Cette émission est une présentation de la boutique Écoutantique. Écoutantique vous offre la plus grande sélection de produits du chanvre industriel à Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul et pour en savoir plus, écoutantique.com. Salut, c'est Tania. Cette semaine, en direct du Sacrilège, je reçois Curé Label, Bastian Baker, Caravan, Dreams May Come, Webster, Philippe Da Silva et c'est la chronique de Nathalie Lessard. C'est un rendez-vous ce mercredi 17h30 au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Oh. Voilà, il est 18h, on entame cette deuxième et dernière demi-heure de cette émission d'aujourd'hui, du 12 mai 2015, toujours à l'aérospatiale. J'accueille Annie Charlotte Thibodeau. Bonjour Annie. Allô. T'es allée faire un tour à la galerie Lacerte pour voir les œuvres récentes de François Vincent. Oui, exactement. En fait, depuis le 7 mai dernier, on peut voir l'exposition œuvres récentes où on nous propose une vingtaine des pièces que François Vincent a réalisées dans la dernière année. Donc, dans ses propres mots, ce qu'il nous propose, c'est des tableaux de chevet. C'est un peu, en fait, comme des environnements immersifs, des expériences intérieures. Donc, dans la première portion de la galerie, on trouve 6 toiles de taille moyenne qui réfèrent à son langage pictural des dernières années. Donc, des formes un peu tridimensionnelles dans des mises en scène tant mystérieuses qu'intimistes. Oui, avec des rideaux, hein? Oui, exactement. On retrouve ça aussi, ce qu'on avait eu dans la dernière exposition. On retrouve ça encore dans cette exposition-ci. Puis, on voit des compositions, encore une fois, scindées en leur centre, où apparaissent, donc, d'un côté, des masses isolées, assez géométriques, puis de l'autre, des drapés à motifs. Le traitement pictural des masses, principalement par l'approche de la lumière, les détache complètement de leur environnement. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'elles deviennent sculpturales. Puis, dans cette série-là, moi, j'ai porté vraiment attention à la toile La Mi-temps, qui présente un gris profond, à demi couvert par un drapé. La toile est divisée en son centre vertical, puis le drapé masque complètement toute la portion gauche. Mm-hmm. Puis sur la droite, on voit un prisme blanchâtre lumineux qui se détache du gris dense. L'approche scénique, doublée de la lumière franche, confie au prisme une force sensible. Les formes peintes par François Vincent ont cette force physique-là qui est présente. En fait, exactement. Là, ils ont vraiment l'air de ressortir. Oui, exactement. Du tableau. Puis beaucoup par la lumière, en fait, puis ça apporte une force presque spirituelle qui pousse à la contemplation. Puis la portion drapée de la toile, elle, comme un rideau entrouvert, fait une présence tangible, puis un air familier aussi. Puis donne cette impression de quelque chose de caché aussi, oui, ou de exactement. Qu'on ne révèle pas, puis une autre dimension arrière qui C'est ça, une certaine absente. Ouverture, mais on n'a pas accès là, à toute l'information. Puis, en fait, depuis quelques années, le peintre a laissé de côté la figuration, qui était pourtant assez importante dans ses recherches visuelles. Mais ses compositions actuelles se déploient vraiment comme des lieux habitables, donc un peu mystérieux, comme tu mentionnais, là, par la portion cachée, mais aussi méditatif d'une certaine manière. Puis, ça se trouve très, très près de nous, sans passer par la figuration. Puis, on voit aussi là-dedans quelque chose qui est près de la nature morte. Lui-même avait déjà avoué apprécier le travail de Giorgio Morandi. Puis vraiment, là, il y a un rapprochement facile entre les travaux dans l'ambiance intimiste, mais aussi par la simplicité des compositions. Puis quand on continue dans l'exposition, la deuxième portion nous présente une série de contre-jours numérotés en 5 dessins, donc qui était un petit peu plus différent là, de ce qu'on avait vu précédemment. On trouve des compositions au crayon et à la pâte de cire sur papier. Donc, l'environnement des sujets est crayonné, puis assez gestuel. On voit un travail d'estompe, puis des interventions enchevêtrées qui rendent l'environnement impalpable. Donc, viennent s'en détacher des masses en aplats qui sont droites et nettes comme des équerres. Ces formes-là, en pâte de cire, par leur opacité, viennent vraiment se ranger en avant-plan dans notre lecture. Puis, la série de dessins vient se lire comme en plusieurs couches superposées dans l'espace. Où l'environnement flou vient s'ouvrir en profondeur alors que les écarts sont très, très près de nous. Donc, ces éléments-là isolés sont très récurrents dans le travail de François Vincent, un peu comme pour la première portion de l'exposition. Puis, ils viennent se détacher et se démarquer en se collant à leur contraire. Ouais. C'est cette dualité-là, la coexistence, en fait, des contraires qui apporte l'énergie puis la force physique des œuvres de François Vincent. Puis, en fait, quand on continue dans la dernière portion de la galerie, là, on retrouve encore 2 toiles de format moyen qui font écho à ce qu'on avait vu dans l'entrée. Qui viennent rythmer, finalement, la mise en espace. Exactement, qui viennent un peu boucler ça. Mais on trouve aussi un corpus d'œuvres plus petites, notamment des gouaches sur papier. Puis, une d'entre elles, qui s'appelle « La mesure du noir 2 », se présente comme une étude de forme. Donc, l'image est encore une fois scindée sur le plan vertical avec une large bande noire qui laisse voir une mince portion de drapé, un peu comme un rideau complètement tiré qui est tiré au profit de la vue sombre, en fait. Puis de part et d'autre de cette division-là, on trouve des études de forme un peu comme des portraits. La gauche est divisée en 6 portions quadrillées, Puis chacune de ces portions-là présente une masse colorée isolée en relation avec son environnement par la lumière. Mm-hmm. Donc, on trouve encore plusieurs éléments qu'on connaît bien de son langage pictural, avec des formes qui rappellent des coquilles puis des libellules. Ces éléments-là semblent avoir été étudiés à divers moments, donc sous une lumière qui est tantôt directe, tantôt diffuse. La portion de la droite, elle, est divisée en trois sections, puis propose des études qui sont du même type, mais qui sont plongées dans la pénombre. Donc, encore une fois, on fait coexister, évidemment, les contraires, de façon à ce que les formes se définissent les unes par rapport aux autres. Puis le rapprochement des contraires, mais aussi l'approche scénique, apporte une force sensible aux œuvres de François Vincent. Les mises en espace intimistes, mais aussi les drapés puis la lumière crue, ça nous amène également dans l'univers du théâtre. Ouais. Qui a une place signifiante aussi dans le parcours de l'artiste, tant comme pédagogue avec son implication à l'École nationale de théâtre de Montréal, mais aussi comme scénographe lui-même. Ouais, c'est ça. Dans son parcours. Puis aussi, on remarque que les petites gouaches de la dernière portion de la galerie nous rappellent que les propositions de François Vincent sont des rapports au temps aussi, comme des mesures. Par la lumière qui absorbe ou qui dévoile les masses, le panorama nous présente des moments ponctuels figés, comme des repères dans le temps. Puis dans toute l'exposition, ben en fait, moi, mes deux œuvres coup de cœur de la galerie, donc la première, c'est vraiment la mi-temps, ouais. Donc celle que j'ai décrite au départ avec le prisme blanchâtre, mais aussi une autre toile qui s'appelle « Deux temps », qui est vraiment un bon pont entre les premières huiles qu'on a au départ, puis la série de dessins qui se trouvent qu'on trouve par la suite. Puis, comme l'exposition est ouverte depuis seulement jeudi dernier, ouais. On a encore jusqu'au 28 mai pour voir l'exposition œuvres récentes. Est-ce que tu la recommandes? Fortement. Ouais, oui, t'aimais très ça, fortement. Hein, je pense ouais, que t'aimes bien François Vincent à la base. Ouais, exactement, c'est un peintre que je suis depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Qu'est-ce qui t'attire? C'est ce côté-là, un peu comme en vous tend, le travail de la lumière? Oui, oui, ben, vraiment. Ben, justement, l'énergie qui se dégage du fait qu'il y a toujours une dualité. Qui est présente là, dans son travail. Puis ça apporte quelque chose. Bien, au niveau... C'est un peintre qui est quand même très... techniquement très fort au niveau de la couleur, au niveau de la lumière. Ben oui, puis tu sais, il y a un réaliste vraiment... Oui. Vraiment stupéfiant, là. Tu sais, quand exactement. Tu dis les formes qui se dégagent et tout ça, là, ça fonctionne. Là. Exactement. Qui viennent aussi... Le choix des couleurs, parfois aussi, qui décident d'apposer ensemble, ça apporte quelque chose de vibrant aussi. Qui vient porter là, c'est ça, cet effet-là supplémentaire, toute la portion contemplation aussi là, qui fonctionne très très bien. Voilà, ben merci beaucoup Annie Charlotte Thibodeau. Donc je répète, l'exposition œuvres récentes de François Vincent, c'est à la galerie La Serre jusqu'au 28 mai. On fait une pause audio, on retourne, on discute avec Camille Bernard Gravel. Thank you. Juste avant la pause audio, Annie Charlin-Thibaudeau nous parlait de François Vincent. On parlait de la dimension contemplative de son travail. Bien, je pense que c'est quelque chose qui ressort autour de ce qu'on écoute. Donc, c'était l'extrait Tour 2 tiré de l'album Whisper About de Costaté. Je rappelle, c'est une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement gratuit des pièces, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier et l'émission disponible aussi en balado diffusion sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Voilà. Cela étant dit, on se tourne vers la galerie, la petite galerie de l'œil de poisson, vers l'exposition Éole de l'artiste Camille Bernard Gravel. Bonjour. Bonjour. Camille, t'as diplômé au printemps passé de l'École des arts visuels. En fait, tu as fait le bac en arts visuels et médiatiques. Oui, c'est ça. Il y a exactement un an. Il y a exactement un an. Fait que là, tantôt, t'entendais parler d'Expo Définissant. J'imagine que tu vas aller la voir vendredi, certainement. Oui, ça me replonge dans mes souvenirs passés, disons. Tu as terminé ton bac, disons-le, quand même, avec les honneurs. Tu as eu le prix Tombé dans l'œil, tu as eu le prix Avatar, tu as eu le prix La bande vidéo. C'est un bon boost, hein, pour un début de carrière. Oui, René Richard, la bourse aussi. Oui, la bourse René Richard. Je pense que tu avais eu d'autres nominations. J'ai pas toutes sorties. Ça part bien, j'imagine, après avoir fini le bac en art. Oui, ça donne un petit coup de pouce, c'est certain. J'ai profité de tout ça pendant la dernière année, puis ça a été une année mouvementée et très plaisante pour commencer, disons. Et là, tu exposes, on le disait tantôt, Éole. Éole, dans le fond, ça revient donc du prix Tombé dans l'œil de poisson, puis aussi tu as utilisé ta résidence à Avatar pour faire cette exposition-là, c'est ça? Oui, j'ai mis les forces ensemble. J'ai utilisé la résidence à Avatar pour me donner un petit coup de pouce au niveau de la technique pour le son. Puis pour Éole aussi, j'ai eu l'aide d'un technicien, en fait, un bachelier en génie mécanique qui s'appelle Xavier Smarlecourt, je le remercie, pour ce qui est électronique, parce qu'il y a beaucoup de mouvements là-dedans, puis j'en connais un petit peu sur la programmation, mais pas assez pour tout faire ça, quand même. Ben, on commence, hein, quand même. Faut commencer à quelque part. Dans le passé, bon, on t'avait déjà rencontré ici, je pense, en 2013, pour Banc d'essai, si je me trompe pas, 2013, oui. Oui, ça aurait du sens. Ouais, je pense que c'est ça. On t'avait rencontré pour Banc d'essai. Là-bas, t'avais proposé là une machine à pluie, puis il y avait aussi, j'ai oublié le titre, là, une œuvre, donc une vidéo qui était dans un petit bac d'eau dans lequel il y avait une goutte qui tombait. Donc l'eau, tu l'as travaillé quand même à plusieurs reprises aussi. Il me semble que t'avais fait là une installation avec des verres aussi au mur, dont je me rappelle pas oui, le nom, qui n'était pas à Banc d'essai. Construire la pluie, c'était à l'exposition des Finissants l'an dernier. Ah oui, c'est ça. Puis, il y a aussi un projet avec des éviers que j'ai fait qui s'appelle Évier. Et là, c'est ça, là. Avec de l'eau. Puis là, j'ai eu le goût cette année de travailler un peu plus à propos des phénomènes naturels qui ont rapport à l'air. Donc, le vent, puis aussi avant Noël, j'étais allée faire un projet sur les mirages. Donc, ça, les mirages, c'est plus la déformation de ce qu'on voit par la chaleur. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'amène à t'intéresser à ces phénomènes naturels-là, à quelque chose d'un peu intangible? Je dirais que je trouve ça vraiment très amusant d'essayer de me prendre un peu pour un dieu, puis de prendre les phénomènes, puis d'essayer de les refaire en salle d'exposition, mais sans utiliser des technologies trop high-tech, en essayant de prendre plus les moyens du bord, puis en me débrouillant comme je peux. Puis je pense que ça donne lieu à plein d'expérimentations amusantes à faire, mais qui me font aussi réfléchir sur ce que je vois tous les jours, puis qui, je crois, au final, quand quelqu'un va voir mes expositions, mon travail, va après se promener dehors, puis regarder ce qui l'entoure, puis avoir peut-être une vision autre que ce qu'il y avait avant de ce qu'il voit. Au même titre que regarder une peinture de paysage nous fait parfois mieux apprécier ce qu'on voit autour de nous. Ben là, dans ton cas, on est vraiment dans des phénomènes très, très simples. Ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, tu sais, c'est le vent, c'est la pluie, c'est, bon, la chaleur comme ça. Dans la nature, ça nous semble très simple, mais dans le cas de ton travail, ça demande quand même une certaine complexité pour être capable de recréer ça. Oui, c'est un défi, puis j'aime beaucoup les défis. Je pense que c'est aussi ça qui me pousse à toujours continuer à faire ça, puis à aimer ça autant. Parce que on dirait que j'ai un objectif à atteindre, puis je focus là-dessus, puis ça m'obsède à la limite. Ah oui, là, t'es vraiment en mode résolution de problèmes aussi. Ouais, là, c'est ça. J'imagine presque constamment. Ouais, puis j'aime bien résoudre ces petits problèmes-là, puis je sais plus quoi dire. C'est pas grave, on peut poursuivre en fait, parce que tu as parlé de défis. Moi, quand j'ai regardé, je suis arrivée à l'œil de poisson. On connaît cet espace-là, la petite galerie, donc c'est peu, c'est pas très grand, mais c'est très, très haut. Hein. Puis souvent, c'est un espace qui est quand même intense, qui peut être très, très intéressant à habiter. Toi, tu as choisi de carrément fermer le plafond puis de mettre un genre d'escalier-échelle, si on veut, dans lequel il faut monter pour aller regarder les mécanismes qui s'activent pour recréer le vent. C'est ambitieux? Oui. Oui, je l'appelle mon escalier, échelle, escabeau, estrade. Ah oui, OK. Donc, Oui, j'y ai donné plein de noms ensemble. Puis, en fait, quand on entre dans la galerie, on a l'habitude, pour ceux qui sont habitués d'y aller, d'avoir le grand plafond à 16 pieds de haut. Mais moi, j'ai coupé ça à 7 pieds. Puis ensuite, dans la partie d'en bas, j'ai mis un poste de contrôle. Puis on peut jouer avec des boutons et des petits potentiomètres pour générer du bruit blanc à l'aide d'un ordinateur. Puis aussi, les boutons activent des objets qui sont dans la partie du haut qu'on voit pas quand on est en bas. Puis je trouvais ça important de séparer l'audio du visuel, parce que quand on est du haut des marches, assis dans l'estrade, on voit pas... En fait, on voit les objets bouger, mais on n'entend pas aussi bien que quand on est à côté du poste de contrôle. Pourquoi, hein, tu voulais les séparer comme ça? Parce que nécessairement, quand on voit et qu'il y a un son, on va toujours donner l'importance à ce qu'on voit? Oui, je pense que souvent, quand on voit quelque chose puis qu'on entend le son, en même temps, on a toujours la priorité qui est mise à ce qu'on voit, puis ça influence notre perception du son qu'on entend. Donc, je trouvais ça important de le séparer parce que je voulais que les visiteurs aient vraiment leur concentration sur ce qu'ils entendent pendant qu'ils jouent avec les boutons puis les potentiomètres, puis qu'après, ils voient puis qu'ils réfléchissent à ce qu'ils viennent d'entendre, mais sans l'avoir vraiment simultanément. Puis il faut aussi aller activer en bas, donc peser sur les boutons pour voir les œuvres, fait que ça donne quand même un dialogue entre les deux qui se fait pas tout à fait de manière simultanée non plus. C'est ça. Puis, bon, les objets que tu as choisis, parce que c'est, on pèse sur un bouton, puis là, ça active, je sais pas si tu appelles ça des mécanismes, là, ou des dispositifs qui font bouger une toile, je pense qu'il y a aussi, il semble y avoir, je sais pas, c'est du blé ou des, comment on appelle ça? C'est là, des herbes dont je ne connais pas le nom. Là. Mais c'est qui pas ressemble du blé, à du blé, là. Ça ressemble un peu à du blé, là. On trouve ça sur le bord de la route, un peu partout. Des roseaux, en tout cas, je sais pas trop, là. Puis il y a aussi une petite branche qui frappe dans une vitre. Il y a un poteau de métal que j'ai construit fait pour ressembler à un poteau qu'on retrouverait sur le bord de la route avec les choses de stationnement. Oui, c'est ça. Quand ils vendent, que ça fait Des fois, j'en ai remarqué des fois quand je me promenais que quand ils sont un peu lousses, quand la vis n'est pas tout à fait bien fixée, ça claque au vent. Puis c'était pour ça que j'ai mis ce panneau-là. Il y a aussi une grosse bâche comme ils utilisent dans la construction. Oui, c'est ça, c'est la bâche, c'est ça que je cherchais. Puis la pellicule de plastique. Et la pellicule de plastique, ça apparente beaucoup au white noise, là, où c'est appelé le bruit blanc, qui est important dans mon travail. Là. Ça fait plusieurs fois que je fais référence au white noise, autant visuel que sonore. Puis, l'effet visuel, on pourrait plus dire la neige dans la télé. Là. Mm-hmm. C'est plus à ça que ça se rapporte. Puis, les potentiomètres du panneau de contrôle génèrent un bruit blanc qu'on peut moduler, qu'on peut faire passer de l'oreille gauche à l'oreille droite. Puis ça, c'est important parce que j'ai l'impression, quand on est à l'extérieur, qu'il y a toujours un peu de ce petit bruit-là qu'on peut pas nommer, qui est rien, en fait. Là. On peut pas savoir c'est quoi. C'est peut-être l'amalgame de plusieurs petits bruits mis ensemble qui finit par donner cette impression-là. La rumeur de la ville. Les feuilles, la rumeur de la ville, c'est ça. Puis j'ai l'impression que quand j'essayais de faire des bruits de son ou des bruits de pluie sans ce bruit-là, le bruit blanc, on n'y croyait pas. Mais quand il arrive, là, on dirait qu'on se croirait plus à l'extérieur. Comme s'il emplissait un peu l'espace de par sa présence puis qu'il donnait plus de profondeur au son. T'as dû quand même être en mode alerte, là, puis les oreilles assez rouges, hein, pour te promener puis essayer de décortiquer tous ces sons-là puis dire lequel je vais prendre. Ouais, c'est sûr que c'est un choix parce que j'aurais pu prendre toutes sortes d'objets. Ben oui. Il y a comme plein d'objets qui bougent dehors puis qui sont soufflés par le vent, mais c'est les sons que je trouvais les plus significatifs. Les plus significatifs pour toi, pour la vie en ville, pour... Je pense qu'il y a la vie en ville, parce que sinon j'aurais peut-être mis seulement que le blé, le, pas le blé, ouais, ouais. On l'appelle tous le blé, mais les herbes et peut-être la branche dans la fenêtre quand on est dans une maison. Mais en même temps, ben j'ai aussi permis aux gens d'écrire un petit message ouais, sur ouais, un papier. Oui, ça, je voulais en parler, justement. Parce que je voulais que chaque personne, quand elle écoute ce qui est à écouter, se fasse une idée de où il pourrait être pendant qu'il entendrait ces sons-là dehors. Donc, quand j'ai fait entendre ces sons-là à plusieurs personnes pendant ma résidence à Avatar ou chez moi, comme quand je travaillais là-dessus, les gens me disaient tous des choses différentes. Ça pourrait être des clés qui se cognent sur une corde à linge, ça pourrait être des machines qui bougent dans la nature, dans des champs dehors. Vraiment, toutes sortes de choses sortent de là. Puis c'est jamais le même lieu. Ouais. Parce qu'on peut aussi quand même se créer notre son, là. Parce qu'il y a quoi? Il y a 5 boutons, je pense, qu'on peut activer. Donc, ouais. Si on en part un, c'est une chose. Puis là, on peut les conjuguer aussi, là. C'est ça. Puis quand on les part pas tous, peut-être qu'on peut penser que c'est un son qui serait dans la nature puis pas en ville. Ouais. Quand on en part d'autres, là, ça nous amène ailleurs, dans un autre environnement. Puis là, t'amènes le spectateur à interagir aussi avec ça. Donc, pas juste à porter attention, mais lui aussi à être le créateur. Tu disais, j'aime jouer à Dieu, mais c'est un peu... Oui, c'est ça. Ça met le spectateur à faire la même chose, finalement. Oui. Puis cette dimension-là interactive, je pense que c'est pas la première fois qu'on la voit dans ton travail. Qu'est-ce qui t'amène, justement, à vouloir faire participer le spectateur? Je pense que j'ai vraiment... J'accorde beaucoup d'importance quand je crée mes œuvres à ce que les gens me disent, parce que il y a ma perception qui est importante, mais elle est pas plus importante que celle des autres. Puis je m'inspire beaucoup de ce que les gens me disent de la nature, puis de ce que les gens me disent de mon travail pour le faire cheminer. Puis aussi, ben j'aime ça que les gens soient près de mes œuvres puis qu'il y ait un rapport plus... pas direct, là, mais plus intime peut-être ouais, avec, ouais. Avec mon œuvre. Qui s'implique un peu plus émotivement plutôt qu'avec cette distance qu'on a quand on se contente juste de recevoir. Mm-hmm. Et là, les sons, parce qu'on peut générer donc nos sons, tu nous demandes de mettre ça, nous, tu demandes aux gens de mettre ça sur un papier, on peut le mettre dans une boîte. Ouais. Ces papiers-là, tu les gardes. Ouais. Puis, pour un projet ultérieur, est-ce que tu le sais déjà ou tu veux les cumuler puis laisser non, mûrir. Je le sais pas parce que mon projet va être en fonction de ce qui va être écrit probablement, parce que si je décide un projet avant de voir les papiers puis que finalement ça se prête pas. Ben ça se prête pas ou c'est pas ce que je pensais que les gens écriraient. Tu sais, je me suis pas fait d'idée sur ce que les gens allaient écrire, puis en même temps s'ils m'écrivent autre chose que le lieu auquel ça fait penser, c'est pas grave. Mm-hmm. Chacun son expérience. Donc toi tu colles les chats puis tu vas faire quelque chose éventuellement avec ces papiers là puis les sons aussi, j'imagine, parce que là on pèse ouais. sur un bouton puis on peut enregistrer. Oui. Ça fait 45 secondes d'enregistrement, ça aussi tu veux réutiliser, j'imagine. Oui, je me laisse la possibilité de le réutiliser ou non, mais c'est une expérience que je fais, puis je vais voir qu'est-ce qui en ressort, et peut-être que ça fera un autre projet, mais je vais essayer. Puis est-ce que tu penses que ça influence le regard des gens ou l'attitude des gens sur le fait que c'est enregistré, justement? Je pense que quand ils pèsent sur le bouton enregistrer, peut-être que là, ils se forcent plus, là, puis ils essaient de faire de quoi de bien, ou... Peut-être pas non plus. Peut-être que des fois, les gens appuient dessus sans avoir lu, puis finalement, ce qui sort, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire, là, sans que ce soit pensé pour mm-hmm. qu'ils veulent imiter le son du vent. Mais je vais voir ce qui en ressort. Là. J'ai pas encore vu. Est-ce que t'en as pas écouté non plus, donc tu sais pas, là... Non, c'est ça. Qu'est-ce je sais pas que encore. Ça donne? Puis l'exposition est là depuis quand, juste, me semble, peut-être la semaine dernière, si je me trompe depuis le vernissage, j'étais vendredi, là, donc c'est récent. Puis les gens, ils participaient bien, ils embarquaient dans le... Oui, c'est sûr que quand on arrive à une œuvre d'art, des fois, on n'a pas tendance à toucher. Ouais. Donc peut-être qu'il faut motiver les gens à y aller. Pareil pour les escaliers, mais c'est dommage si les gens ne montent pas les escaliers, en tout cas. Ben, en tout cas, moi, j'aurais pas, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'a pas pensé monter les escaliers, mais ça me semblait assez évident. Ouais. Si on connaît minimalement l'espace, on le sait qu'il y a quelque chose au-dessus, il n'y a sûrement pas juste un plafond pour le plaisir, non, c'est ça. Pour le plaisir de la chose. Dis-moi, Camille, est-ce que tu as un projet, une expo, une résidence qui s'en vient? Ben, là, ça, c'est déjà bien assez gros, tu me diras, là, mais est-ce oui, que... Oui. Ben, j'en ai plusieurs qui sont ah ouais? pas tous confirmés, là, Mais j'ai été sélectionnée pour aller à Bangkok avec 7 autres artistes de Québec en septembre. OK, félicitations. Pour une exposition collective d'artistes québécois et d'artistes d'ailleurs aussi probablement. Puis c'est initié par le lieu, mais il y a 4 centres d'artistes qui participent à cet échange, donc j'ai été pris pour le faire. Bon, mais félicitations. Merci beaucoup. Donc, on aura certainement des nouvelles à ce moment-là. Camille Bernard Gravel, merci beaucoup. Donc, Camille présente Éole à la Petite Galerie de l'Œil de Poisson jusqu'au 7 juin. C'est déjà tout le temps qu'on a pour cette émission. Je remercie mes invités et collaborateurs. Et je vous annonce, là, juste avant de quitter, il reste 3 émissions avant la fin de la saison, qui sera ma dernière à la barre de l'aérospatiale. Oui, il reste 2 émissions, c'est vrai. 2 semaines, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a chuchoté à l'oreille que je me trompais de nombre. Donc, il reste 2 semaines à cette saison. Donc, je vous remercie et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son Fauve d'Amérique.